Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéo Top. Aujourd'hui, une comédie française. Julien Monnier a un sérieux problème. Il a beau être un conseiller conjugal brillant, il n'arrive pas à garder une femme dans la vie plus de 2 semaines. Et pour cause. Depuis son plus jeune âge, Julien porte la poisse à toutes les femmes qui s'éprennent de lui. Je m'appelle Julien Monnier. J'étais condamné à ne jamais partager ma vie avec aucune femme. Je sais, ça peut paraître complètement dingue. J'étais comme un chat noir dont les filles ne devaient pas croiser la route. Bonjour Ali, ça va ? C'est un casse ! Et tu m'oublies ! Elle a fait une allergie à ta salive. Je crois qu'elle a dit casse-toi, je veux plus te voir. Avec le temps, je m'étais fait à cette idée. Jusqu'au jour où... Combien un type comme moi avait de chance de rencontrer une fille comme elle ? Je vous ai cherché partout. Hein. Ah bon ? Je vous offre un verre. Reviens, je déteste perdre. Tant mieux, j'aime pas gagner trop facilement. Connaîtra-t-elle le même sort que les autres ? Attention ! Attention ! J'ai eu peur que tu prennes un couteau dans la tête. C'est chose qui arrive. Oui ? Si tu restes avec moi, t'es en danger. C'est bien que je crois pas du tout à ce genre de conneries. Ah ! C'est fini, tu portes plus malheur. Julien, qu'est-ce qui me le prouve ça ? Ça. La chance de ma vie, avec Virginie Efira et François-Xavier Demaison, un DVD signé Wildside.